23h49, interpellation. La batte me plaque au sol, me demande ce que j'ai dans le caleçon. Mais qu'est-ce que tu m'as raconté ma gueule? Moi je suis plus dans les affaires. Je vois pas que je passe à la télé, je donne le sourire à ma mère. Même pas un peu je m'en sors, toi tu veux me remettre dedans. Ça chiant, un choqué, je prends ton salaire d'un an. Mais les condés veulent rien savoir, soit disant que je viens de fermer le rinté. Un peu d'oseille sans moi, ça leur suffit pour m'embarquer. Ils disent qu'ils m'ont vu faire des passes, que j'ai viscère à déquise. À peine dans la voiture, ces enfoirés me parlent de perquise. Par contre pas ta vie, soit disant t'as enquêté. Heureusement qu'un photo à moi va me faire péter. Alors monsieur Pruski, ça va ou quoi depuis le temps? Ça fait longtemps qu'on vous a pas vu ici. Bon, je vais vous notifier vos droits, vous êtes passé en garde à vue pour un trafic de stupéfiants. Et vous avez le droit à l'aide d'un avocat ou l'appel d'un médecin. Mais bon, je vous le conseille pas. Ça va faire perdre du temps, vous risquez d'être prolongé. Enfin, vous connaissez déjà la maison, vous savez comment on procède, hein. Ramène-moi l'avocat, le médecin, même le président. Hey, je veux voir tout le monde, regarde pas mal. Dis-moi qu'est-ce qu'il te prend. Ça y est, tu m'as pété, ouais. Ça y est, t'es à fond. Réveille-moi pour la perquise, là tu vas me faire péter un plomb. Referme ma cellule, passe le salam au chef de poste. Dis-lui que je pense à sa femme qui me suce pendant que lui il bosse. Regarde-moi bien enculé, jamais tu vas me faire béton. Ta fille me suce sur Insta, mouille juste à l'idée que je lui réponde. Alors arrête ton cinéma, ouais, tu vas rien faire. Je répète ça l'enfoiré, jamais tu m'envoies à Nanterre. De toute façon, tu vas perquisitionner. Et ça sert à rien, parce que le poteau a pris le daron, il a fait ça bien. Bon, maintenant qu'on est en bas de chez toi, c'est le moment où jamais tu m'as fait quelque chose là-haut. Parce que de toute façon, on va te défoncer, tu connais déjà. On te l'a déjà fait une fois, deux fois, t'as jamais rien voulu dire. Alors on va continuer, et tu vas faire te prévenir maintenant. Alors, c'est bon, on est chez moi, enlève les menottes, ça fait chier. T'as le seum ou quoi? Ça sent le fébrile, je n'en pas le shit. Parce que le daron a tout nettoyé. T'as dû oublier, il y a encore 6 mois, il était auditionné. Dans vos locaux, le daron c'est un vrai lossard. Il conduit son auto, bidon au bec, il fait le sale. Bref, tu vas rien trouver, arrête de me regarder comme ça. Tu crois mettre la pression à qui? Tu fais rire, t'as vu ta poire. Il fait que de me répéter qu'il va réussir à me coffrer. On peut rien lui cacher, il est persuadé de m'accrocher. Persuadé qu'il est bon, je pense tout ce qu'il est con. Retour au poste, et le sourire, j'ai pas béton. Bon là, j'ai fait un peu de parquet là. Je pense que tu vas être prolongé. On a encore des trucs à fouiller, et encore deux, trois petits trucs sur lesquels on n'est pas sûr. Là t'es mort mon pote, là on va te coffrer, là tu vas tout droit là, je te le dis. Là c'est fini pour toi là. Le rap tout ça t'oublie, je te le dis. Là t'es mort, je te le dis. Pas de ici à moi, y'a la raison que le parquet qui est tombé. Sans suite, ouais c'est sans suite, t'appelles le parquet tout de suite, enfoiré c'est sans suite, ouais c'est sans suite, affaire classée sans suite, t'étais près du but gros, mais c'est sans suite, sans suite, sans suite, sans suite, ouais c'est sans suite, t'appelles le parquet tout de suite, enfoiré c'est sans suite, ouais c'est sans suite, affaire classée sans suite, t'étais près du but gros, mais c'est sans suite, sans suite, sans suite, sans suite, sans suite, sans suite.